La vie est difficile, faut prendre bagaille ou tranquille. Nous gué musique pour une chill, nous pas besoin de pilule. Faut nous pas trop presser. Pas goûter pour qu'à parler. Nous pas besoin de stresser. Ce soir, on va faire la fête. Chill time, please. C'est comme ça moi fait le besoin de compresser. Gardez qui j'aime moi relax. Vais ta fia m'a psué tellement bien glacé. Gardez qui j'aime moi relax. A fait relax, pas de problème que propose. Gardez qui j'aime moi relax. M'a ton jazz à déposer. La vie est difficile. Faut prendre bagaille tranquille. Nous gué musique pour une chill. Nous pas besoin de pilule. Faites la balle commencer, c'est ça mon yo t'a demandé. Fanatique rassemblé, mais maintenant les caps si barré. Moi dis le bébé, nous le bébé, nous le bébé, nous le bébé, nous le bébé, nous le bébé. Bien campé, pas casser bon, pas casser bon, pas casser bon. pas.